Le printemps. Ce matin de mars, Sangar était couché à l'ombre grêle des tamaris, au pied de la digue, à l'endroit même où le Rhône lance ses flots limoneux dans la grande Méditerranée. Le sable était tiède et le soleil, encore doux, le faisait scintiller en mettant de-ci, de-là, un éclat plus large dans les coquilles nacrées gisant sur la grève. Le taureau, envahi d'une torpeur béate, regardait d'un œil éteint les toutes petites vaguettes que le courant du fleuve forme au long de la plage et qui s'en viennent mourir près du bord en se frangeant d'une écume sale. Les grands roseaux, tout fiers de leur riche couleur nouvelle, dressaient leurs longues feuilles vertes et leurs épis bruns immobiles. Tout au long de la rive, il y avait des piquets enfoncés profondément dans le lit du fleuve et auxquels l'eau, en coulant, faisait un sillage qui reste toujours en place. Ce sont les pieux ou les pêcheurs, lorsqu'ils accostent la terre de l'étrave, appuient le flanc d'aval de leur bateau afin que le courant ne les rejette pas le long du bord. Pour l'instant, les embarcations étaient au large, où l'on voyait leurs voiles blanches ou rousses, à peine gonflées, se traîner mollement vers l'horizon pour en revenir avec nonchalance dans les longues et lentes bordées qu'elles tiraient à la recherche des maquereaux. Note : la pêche des maquereaux est l'une des principales industries des Sainte-Marie de la mer. Fin de note. La mer stagnait bien loin du rivage. Et aussi loin que l'on pouvait la voir, elle s'étendait, endormie, sans une ride, formant un immense miroir. Le ciel limpide et net s'y reflétait avec, depuis longtemps et toujours, au même endroit, le même petit nuage blanc, rond, immobile et bête, de se trouver là, tout seul, au milieu de tant de bleu. Le Rhône était calme et solitaire. La vie qui s'y manifeste constamment semblait comme suspendue, et c'est à peine si, à de longs intervalles, s'allumait le brusque éclair d'un martin pêcheur perché sur l'un des piquets, plongeant en criant et dessinant dans le courant de grands ronds qui se déformaient en se déplaçant au fil de l'eau. Sangar couché ruminait lentement et ses gros yeux ronds et rêveurs suivaient très loin, perdus dans l'espace infini, de vagues pensées qui ne se précisaient pas bien nettement dans son esprit. Il se laissait vivre dans le calme de ce jour de printemps sans penser à rien qu'à la douceur de l'air et au charme de sentir tous ses muscles puissants se détendre dans un bienheureux far niente. Parfois, il chassait un temps d'un brusque mouvement de queue et elle faisait un bruit mat et lourd en frappant sur le sable où elle traçait des sillons rayonnants. Puis il retombait dans son immobilité et se laissait aller béatement à la quiétude matinale. Il somnolait, les yeux mi-clos. Tout à coup, il les ouvrit tout grand et regarda autour de lui vers l'autre rive du Rhône en pointant ses grandes oreilles velues. Il lui semblait qu'une rumeur infiniment menue, à peine perceptible, s'élevait de là-bas, de la terre de Languedoc, et parvenait jusqu'à lui. Loin, très loin, vers le couchant, au long de la plage, passait le poste des quatre maris et la cabane en ruine des douaniers, et les profondes forêts de pins noirs, la mer si claire parut frémir et s'obscurcir un instant. Un mince liséré bleu apparut qui bordait l'horizon. Lentement il s'étendit, et la mer frissonna. Sangar la regardait sortir de sa léthargie et commencer à vivre. Il lui semblait qu'il allait se passer quelque chose d'immense et de très important, car son sang circulait plus chaud et plus vif dans ses veines. Comme en un jour de course, au moment de pénétrer dans le plan et d'affronter les raseteurs, son cœur se serrait dans une douce angoisse. Il se leva, gravit la digue derrière lui et monta sur les pierres éparses et les restes de murs écroulés qui la couronnaient, vestiges épars de l'ancien poste des douanes. De cet observatoire, comme du haut d'un piédestal, il découvrait la mer très loin, au long de la terre de Languedoc, par-dessus la pointe avancée du Sauvage et ses pinèdes épaisses jusqu'aux limites occidentales que bordaient les silhouettes des montagnes imprécises au-dessus d'une ligne très mince de brume matinale. La tache foncée sur la mer s'étendait toujours et Sangar, les yeux dilatés, les naseaux frémissants, la regardait qui s'approchait de lui, comme il l'aurait fait d'une brassée appétissante de fourrage un jour où il aurait eu très faim. C'était la brise qui venait en faisant courir à la surface calme de la Méditerranée une multitude infinie de petites vagues fraîches et joyeuses qui dansaient en s'approchant du taureau. Bientôt, elles parvinrent jusqu'au courant et une petite ondulation s'éleva qui marquait l'endroit où avait lieu la rencontre. Elle semblait avancer toujours, mais restait cependant immobile, car ce n'était point à proprement parler une vague, mais un minuscule mascaré que formait, en heurtant les flots limoneux du Rhône rapide, la risée bleue qui s'en venait. Il y avait à sa cime un minuscule filet d'écume blanche, parce que cela se doit ainsi, et parce qu'il faut bien que la brise trouve sur la crête des vagues qu'elle a peine à soulever de l'écume fraîche pour se rafraîchir. Du moment que ce petit, tout petit mascaré se forma, il se passa un court instant, puis les grands roseaux verts, en lames de sabre, nobles et erratiques, qui dressent leur lourd sceptre brun au-dessus de la rive sablonneuse, les grands roseaux imposants frémirent. Le souffle de l'air les inclina, et ils cédèrent avec grâce, baissant leur lourde tête lentement et majestueusement, comme le ferait une foule de rois inclinant leur chef couronné sur le passage d'une impératrice. Les épis s'entrechoquèrent en se relevant, et les longues feuilles souples bruirent doucement. La brise franchissant, sans la toucher, une large bande d'eau qui restait calme tout contre le pied des roseaux effleura la surface du Rhône, qu'elle frisa, et vite, vite, toute fraîche et toute légère, s'en vint vers Sangar. Sangar, toujours immobile et dominant la digue, les narines béantes, le cœur palpitant, l'attendait anxieusement. Il la vit courir au travers du courant, puis toucher à la rive. Un martin-pêcheur plongea brusquement avec un cri aigu dans l'eau frémissante et les algues sèches attachées aux balises se mirent à vibrer comme la crinière épaisse d'un cheval qui galope. Les petites fleurettes mauves qui poussent dans le sable, comme la brise escaladée la digue, s'inclinèrent aussi, car elles sentaient passer sur elles un long frisson. Sangar tendit le mufle en avant, leva son front redoutable et mugit de joie. Il reconnaissait enfin cette brise qui accourait ainsi vers lui, toute chargée des senteurs de la terre languedocienne. Quand elle le toucha, il dilata sa poitrine, souleva ses vastes côtes et les naseaux grands ouverts la but de toute sa force pour s'en emplir, car c'était le souffle du printemps qui arrivait. Il lui apportait l'odeur poivrée des cabridelles éparses par la sansouire, des fleurs minuscules des pins qui couvrent le silvéral et les grappes mauves des tamaris dont les bois épais bordent la plage depuis le Gros du Roi jusqu'au Rhône. D'autres effluves venus, il ne savait d'où, qu'il ne pouvait identifier car ils étaient à peine perceptibles et cependant affolants lui parvenaient aussi, mêlés les uns aux autres dans l'air qu'il respirait et le grisaient jusqu'au plus profond de son immense masse. Sangar baissa la tête et prit au ras de terre une large gorgée de cette brise parfumée. Ses flancs s'élevèrent et s'emplirent, ses larges flancs lustrés, plus puissants que les grands soufflets de forge. Puis le cou tendu, les cornes rejetées contre le garrot, la queue à moitié soulevée et laissant flotter en l'air son panache de crin noir, il salua de son rugissement l'arrivée de la première brise printanière, car elle était le signe de la plus belle saison du renouveau et du temps des amours. Il lança un puissant meuglement, mais ce n'était pas le cri sombre et farouche de la bête de combat, le rude défi de bataille. C'était un long et étrange appel musical où des frémissements passaient avec des modulations délicates. C'était la chanson du printemps que chantaient déjà joyeusement les roseaux de la rive et les petits oiseaux voletant dans l'air du matin. De la s'ensouir à ses pieds et derrière lui, en entendant son cri, les taureaux couchés se levèrent d'un bond et le regardèrent, cherchant, comme toujours, à comprendre. Mais cette fois-ci, leur esprit fut moins lent qu'à l'ordinaire et ils surent vite de quoi ils retournaient. Pressés face à lui, ils ouvrirent tout grand leurs naseaux à la brise qui dévalait du levadon et reprirent en chœur le cri énorme de Sangar. Un instant, on n'entendit plus rien sur la Camargue plate que la voix formidable du troupeau qui montait chaude et vibrante dans l'air embaumé. Et tout d'un coup, au beau milieu de cette clameur, il se fit un grand silence qui parut d'autant plus profond qu'il était plus soudain car la brise tombait. Mais elle revint et les vaches se levèrent aussi. Alors la chanson des grands taureaux, le cœur immense, mugit de toute son amplitude. Et cependant, la voix de Sangar, toujours debout sur la digue et tournée vers la manade éparse à ses pieds, la dominait de toute sa puissance. Elle clamait le printemps qui venait, la saison des fleurs et des herbes embaumées, des lourdes senteurs enivrantes et des rudes combats d'amour. L'orgueil et le rut des grands taureaux noirs, aux cornes incurvées, mâles hautains du farouche bétail de combat. Puissant et grave, avec de chaudes modulations et d'étranges sonorités, le chant du grand Sangar courait sur la Camargue. L'on ne savait point si c'était ce cri ou le souffle de la brise qui faisait frissonner les fleurs légères des saladelles mauves et les larges bouquets des ombelles jaunâtres. Sa voix était si puissante que les autres taureaux, dominés, demeurèrent un moment à le regarder, les yeux levés vers lui, comme des croyants vers leur dieu. La brise tomba à nouveau, et comme la première fois, les cris se turent. Les taureaux restèrent béants, les naseaux largement ouverts, dans l'attente du premier souffle qui reviendrait. Leur cœur était serré, comme s'ils avaient craint que la brise ne fût morte tout à fait. Dans leur angoisse, ils ressemblaient à des parents anxieux penchés sur le berceau de leur fils nouveau-né et attendant son premier soupir. Enfin, le souffle d'air se manifesta. En franchissant le levadon, où Sangar se tenait immobile, il fit frissonner les longs plis soyeux de sa queue et dévala dans la sansouire. Lorsqu'il fut sur les grands taureaux, ils s'arrachèrent à leur contemplation muette. Poussant un mugissement de rage, ils s'affrontèrent deux par deux et d'un même élan, ils entrechoquèrent leurs fronts. Au heurt des cornes claires et nettes, Sangar sursauta, comme s'il sortait d'un rêve. Il fut soudain irrité. C'eût été méconnaître son empire que de lutter ainsi impunément sur la manade sans qu'il intervînt aussitôt pour imposer sa paix aux combattants, car il était leur maître à tous, le taureau roi. Il frappa du pied et mugit violemment, mais ce cri n'était plus celui qui venait de saluer l'arrivée du printemps. C'était un rauque et sourd grondement de colère, ordre de despote qui lançait et appel impérieux de défi à quiconque enfreindrait sa loi. Il attendit un instant afin de laisser aux autres le temps d'obéir à son ordre. Mais les taureaux, emportés par le désir de la bataille, n'avaient cure du courroux de leur chef. De nouveau, les cornes résonnèrent. Alors Sangar, d'un bond, le front bas, plongea dans la plaine, arrachant dans son élan les pauvres fleurettes mauves qui poussaient au revers de la digue et fonça sur le groupe des lutteurs. Les premiers qu'il rencontra, ce furent le coudoulier et le napaka. Le mufle au sol, arc-bouté sur leurs jarrets, les fronts étroitement unis et les cornes enlacées, ils luttaient silencieusement. Leur souffle était rauque et court, et les énormes encolures, comme prêtes à éclater, se gonflaient de tout l'immense effort de leurs muscles. Il fonça sur eux d'un bloc. Son front joignit leurs tempes rapprochées et son chanfrein s'appliqua sur leurs joues parallèles, au-dessous des longues cornes étroitement unies. Il frappa en élevant la tête, disjoignit les lutteurs et les envoya s'agenouiller, chacun de leur côté, comme s'ils avaient demandé grâce. Il passa. Les vaincus dédaignés se relevèrent avec un frisson pour détacher de leurs épaules le sable que la chute y avait mis. Ils regardèrent Sangar qui les avait séparés et d'un même élan attaquaient à leur tour la Latène et le cardinal. Ceux-ci combattaient de loin car leur poids était inégaux et si le premier plus lourd cherchait à imposer une prise de tête à son adversaire afin de l'écraser sous son poids, le second, plus léger, plus agile et se fiant davantage au jeu de ses cornes et à sa dextérité à s'en servir, portait ses coups de loin et il ne se risquait pas dans un corps à corps qui lui aurait été funeste. Ce fut lui qui vit venir l'attaque de Sangar. En tout autre temps, il se serait moins soucié de la soutenir. Mais c'était le printemps. Depuis tout à l'heure, la brise embaumée était là, qui l'environnait, le grisait, lui faisait oublier le sentiment de respect que l'on doit à la puissance pour l'instinct de la bataille. Voyant Sangar s'élancer comme une locomotive au frein desserré et qui s'en irait tout droit devant elle, à toute vitesse et de tout son poids, sans savoir où ni pourquoi, lui, il fit un quart de tour sur son avant-main et mugit. « Oh, Sangar, pourquoi veux-tu nous empêcher de nous battre? Je n'obéis plus, Sangar, je combats !» Sangar ne répondit rien. Mais le choc eut lieu et il s'en vint buter du front sur le front du cardinal. Il s'arrêta net, car après le premier contact brutal, il ne sentait plus rien devant lui. C'était comme si le cardinal s'en était allé rouler dans les anganes. Il regarda pour voir s'il n'en était point ainsi et souffla d'étonnement. « Oh, cardinal » dit-il, « où es-tu ? » L'autre taureau eut le temps de répondre, car il s'était dérobé par une brusque volte. Il s'apprêtait à frapper Sangar à l'épaule et celui-ci ne l'avait point vu. Mais en entendant mugir son adversaire, Sangar eut juste le temps de se retourner pour recevoir à la tempe, en dessous de sa corne droite, le front du cardinal qui avait pointé très bas son cou, pensant entamer le coude et la poitrine du grand mâle. Cela fit à Sangar, malgré la violence du choc, autant d'effet que s'il n'en eût rien été. Il profita de ce que son ennemi, ayant mis toute sa force dans son attaque, restait un moment assommé pour peser sur sa tête de tout son poids. il força le cardinal à baisser le front, lui fit presque toucher le sol des naseaux, puis, pivotant légèrement et très lentement sur son pied droit, il abaissa encore sa corne qui retenait son antagoniste lié à lui comme par un joug vivant et puissant. Le cardinal soufflait et frappait le sol de ses pieds de derrière, pendant qu'il écartait les pieds de devant pour s'arc-bouter, augmenter sa force et résister à son adversaire avec plus de chances de succès. Ce fut en vain. Son encolure s'incurvait. La corne droite de Sangar maintenait toujours son embroc, prisonnière, et il sentait la corne gauche qui menaçait son garrot, dont elle se rapprochait insensiblement. Tout d'un coup, il fléchit sur les genoux et tomba, pendant qu'avec un bruit de soie qu'on déchire, l'arme de Sangar pénétrait en séton dans sa peau qui s'ouvrait. Son adversaire abattu, Sangar le regarda un instant, d'un regard en dessous de ses yeux injectés de sang et rendu hagard par la lutte. Il gronda vers lui. « Assez, ô cardinal, je suis le maître ici !» Soudain, d'un violent mouvement, lancé en fauchant vers la gauche, il frappa au-dessous du coude l'Arlatan qui s'apprêtait à foncer sur le bœuf abattu. Car le cardinal avait été combattu et frappé par Sangar, et puisqu'il était vaincu, il ne pouvait plus être question de rien autre. Pas plus qu'aucun autre taureau, et bien moins qu'eux, Sangar ne pouvait admettre qu'aucun sur la manade s'occupât de ce qui était son bien. C'est la loi sur la manade, celle que se sont faites eux-mêmes les grands taureaux de combat, et c'est une loi juste comme toutes les lois des bêtes. Puis il sentait confusément dans son esprit qu'il ne faut pas, lorsqu'un bœuf sain et fort est vainqueur, qu'il frappe sa victime impuissante. Cependant, l'Arlatan encorné fut soulevé de l'avant-main comme un sac rempli de paille et s'en alla retomber en arrière, les quatre pieds en l'air, malgré sa force et ses 900 livres de poids. Sangar, satisfait dans son orgueil d'avoir ainsi imposé sa volonté et distribué sa justice, souffla et le regarda avec une sorte de compassion narquoise, se relever lentement. Mais il entendit derrière lui le choc des fronts cornus du comptable et du Bukabeu qui se livrait aussi bataille. Il volta d'un saut et mugit. « La paix ! J'ai dit la paix !» Puis, comme il ne l'écoutait pas, il fonça sur eux ainsi que sur les autres, pensant en avoir facilement raison. Mais les deux bœufs, à sa profonde stupéfaction, firent chacun un quart de cercle. Oubliant la rage qui les divisait, ils s'accotèrent solidement, épaule contre épaule, et présentèrent à Sangar un double front formidablement armé qui reçut le choc sans faiblir. Malgré sa force et son élan et sa puissante encolure, malgré son poids et sa colère, sa fougue et sa science du combat, Sangar fut arrêté tout net par l'obstacle vivant qu'il rencontra cette fois. Le Bukabeu et le comptable étaient lourds et puissants et dans la pleine force de l'âge. À tous les deux, ils avaient plus de 2000 livres de belle chair vive, tout en muscles de charpente osseuse, énorme et résistante. Sangar, parce qu'il était le plus gras, étant le plus fort, pesait bellement ses 700 kilos, et ce n'était pas non plus, je vous prie de le croire, de la graisse inutile. Les grandes cornes blanches aux pointes noires qui chargeaient son front n'étaient point vides et ne faisaient pas, sur sa large tête, une vaine figure d'ornement. Les muscles qui se gonflaient sous sa peau lustrée étaient durs comme de la pierre. Il connaissait tout ce qu'il faut savoir quand on est un grand mâle et qu'on se bat. Il poussa devant lui, violemment, aussi fort qu'il put, son frontal, qui formait une large saillie, portant contre les chanfreins de ses adversaires. Ceux-ci, bien à côté, bien d'aplomb sur leurs membres, solidement plantés au sol, ne faisant qu'un, pour ainsi dire, supporter son effort, sans broncher d'une ligne. Sangar s'arc-bouta, tendit ses membres postérieurs, les pieds écartés, portant sur le bout des sabots fendus qui pénétraient le sol. Il se grandit, époussa, envoya tout le poids de son corps dans sa tête, en avant de son garrot énorme. Ce fut en vain. Les deux bêtes, épaulées l'une contre l'autre, comme deux bœufs de labour, appuyant sur le même joug, ne reculèrent pas d'un pouce. Au contraire, elles aussi portèrent à leur tour et très lentement leur poids en avant. Comme elles faisaient ce mouvement, Sangar comprit qu'il allait être obligé de céder, car les muscles de son encolure, gonflés à bloc, lui faisaient mal comme s'ils étaient sur le point d'éclater. Alors, il y eut une toute petite faute dans la contre-attaque des deux, et ce fut cette faute qui sauva Sangar de la défaite et de la honte, car il sut en tirer parti et la tourner à son avantage. Tandis qu'il poussait de toute sa force, et que de leur côté, le Bukabeu et le comptable poussaient aussi avec non moins de vigueur, il lui sembla que la pression des deux fronts adverses sur le sien n'était plus très bien équilibrée et que l'effort de ses adversaires perdait de son homogénéité et de son ensemble. Le Bukabeu mettait-il trop de fougue dans sa pression? Le comptable, qui avait toujours eu des mouvements lents et mesurés, ce qui lui avait valu son nom, exagéra-t-il sa pondération naturelle et tarda-t-il dans l'attaque? Quoi qu'il en soit, Sangar sentit une obliquité dans la résistance. Il jugea sage d'en profiter. Plus que jamais, il appuya son arcade sourcilière sur le chanfrein du bœuf qui mettait un ralentissement dans son effort et doucement, très doucement, il commença à déplacer du même côté son arrière-train arc-bouté. Centimètre par centimètre, mettant dans son effort une telle puissance que ses grandes oreilles lui semblaient pleines d'arabies bourdonnantes, ne déplaçant légèrement son pied de derrière que lorsque l'autre était solidement accroché au sol, le grand taureau pivotait sur son avant-main. Bientôt, il jugea qu'il pouvait, en se rejetant de côté, livrer passage au Bukabeu, sans danger pour son propre équilibre. Il le fit en se rejetant tout d'un coup vers la droite et en tournant la tête à gauche. Le Bukabeu, ne trouvant plus de résistance devant lui, passa devant le front de Sangar parallèlement aux cornes et s'en alla s'agenouiller dans une engane. Le comptable, maintenu un instant de plus, vacilla, car Sangar s'était soudain à demi cabré. Puis brusquement, le grand taureau placide reçut à l'épaule un choc formidable qui l'envoya rouler au loin, les muscles ouverts et du sang jaillissant sur sa robe brune. Sangar était retombé de tout son poids, les cornes en avant, et l'ayant frappé au-dessous du coude, le lançait sur les enganes, inerte comme un tonneau vide. Du même coup de tête, ramené en fauchant sur le côté, Sangar reçut le Bukabeu qui, ayant repris son aplomb, revenait à la charge. Dans sa précipitation, Sangar ne vit pas très bien où sa corne frappait, mais elle entra avec un bruit humide et visqueux dans quelque chose de mou, et comme il se cabrait après avoir frappé, le Bukabeu, enlevé de terre car la corne avait pénétré son orbite, se cabra aussi. Alors du sang jaillit sur le mufle de Sangar qui mugit, les yeux hagards, rendus plus farouches encore par l'odeur enivrante du sang fumant. le Bukabeu, presque aveuglé et plus qu'à demi-mort, car sa blessure était cruelle, dans l'instinct de batailleur des bœufs de combat, se relança cependant à l'attaque, du sang chaud et rouge dégoulinant à flot sur son chanfrein. Cette fois, Sangar, pour laisser passer son adversaire, recula en pliant les jarrets, puis s'agenouilla presque et lança son coup de corne de toute sa force en visant au ventre. Il eut un grand bruit de peau déchirée, un mugissement de douleur et des tripailles se répandirent en fumant au soleil pendant qu'à l'autre bout de la manade retentissait le cri d'un gardien lançant tardivement son cheval au galop pour séparer les combattants. Sangar resta un moment stupéfait et immobile, regardant le taureau qui gisait sur les saladelles, le ventre ouvert et palpitant encore. Ses petits yeux furieux brillaient de colère et le fouet de sa queue cinglait l'air méchamment. Il se tenait en garde, la corne basse, prêt à frapper le cas échéant et surveiller son adversaire par en dessous à travers les rues de soie de son front où se coagulait une large tache pourpre tandis qu'il cherchait vainement à se rappeler pourquoi il avait ainsi blessé mortellement un de ses frères. Il fit un mouvement brusque de la tête pour rejeter en arrière un morceau de tripe qui lui pendait sur le mufle et souffla comme s'il éternuait, car du sang visqueux lui coulait dans les naseaux. Puis il regarda avec stupeur. Maintenant que la grande bête, au mufle blanc, gisait agonisante à ses pieds, il demeurait stupide et navré de son acte. Autour de lui, les autres taureaux, les vaches et les veaux contemplaient la scène en silence, curieux et apeurés. Le gardien arrivait ventre à terre en brandissant son fer et en criant. Les sabots de son cheval crépitaient sur la vase sèche. Sangar réfléchissait, mais il ne pouvait pas comprendre. De colère, il frappa le sol du pied. Mais il y eut un frémissement sur la Camargue. Les joncs bruirent et les saladelles mauves s'inclinèrent. Un souffle passait, la brise parfumée du printemps. Sangar d'un bond se détourna de sa victime et fit face au troupeau. Il se souvenait maintenant. Il aspira violemment et en même temps que les senteurs printanières, il respira l'odeur du sang qui dégoulinait sur sa face. C'était une odeur farouche qui lui montait au cerveau. Une vache était là, à deux pas de lui, qui regardait le mort. Il se souvint. C'était la Santinco, celle pour qui le comptable et l'autre, le mort, se battaient. Note. Santinco, la Saintine, nom donné à une jeune vache dont la mère avait fait une course extraordinaire dans le plan des Saintes-Maries de la mer. Fin de note. Il alla vers elle, mugit doucement, d'une voix profonde, modulée et douce. Elle se tourna vers Sangar, le regarda, les naseaux frémissants, les yeux étincelants, et mugit doucement aussi. Maintenant que le tumulte du combat était tombé, la vie ordinaire de la Camargue reprenait. Une alouette, puis une autre, montèrent dans l'azur, en chantant à tue-tête un chant d'amour et se joignirent dans le ciel. Alors, il se souvint qu'il était vainqueur. Il but une nouvelle gorgée d'air embaumé, marcha vers la Santinco et à la face du ciel, s'érigeant pour la chevaucher, il la féconda. Fin du printemps.